32e chapitre. Comment Blöde fut tué. Les hommes de Blöde étaient prêts. Ils s'avancèrent au nombre de 1000, revêtus de haubert, vers le lieu où Dankwart était à table avec les Varlets. La plus grande animosité éclata entre les guerriers. Quand le sire Blöde passa devant les tables, Dankwart, le maréchal, le reçut avec empressement. « Soyez le bienvenu ici, monseigneur Blöde. Je m'étonne de ce qui se passe et qu'allez-vous m'apprendre ?»« Il ne t'est pas permis de me saluer, » dit Blöde, « car ma venue doit apporter la mort à cause de ton frère, Hagen, qui a tué Siegfried. Il faut que les Yunen t'en fassent porter la peine à toi et à maint autre guerrier. »« Oh non pas, seigneur Blöde, » dit Dankwart, « car ainsi nous pourrions bientôt nous repentir de notre voyage à cette cour. » J'étais encore un petit enfant quand Siegfried perdit la vie. J'ignore ce que me reproche la femme du roi Etzel. Je ne puis t'en dire davantage à ce sujet. Tes parents Gunther et Hagen commirent le crime. Maintenant défendez-vous, étrangers. Vous ne pourrez en réchapper. Il faut que votre mort serve de satisfaction à Kriemhild. Ainsi, vous ne voulez point renoncer à vos projets, dit Dankwart. J'ai regret de mes excuses. J'aurais mieux fait de me les épargner. Le guerrier rapide d'un bond se leva de table. Il tira une épée acérée qui était forte et longue. Et il asséna sur Blöde un coup si prompt de cette épée qu'à l'instant sa tête vola à ses pieds. « Ce sera là la Morgengabe, » dit Dankwart le héros, « pour la fiancée de Nuodunk à qui tu voulais offrir ton amour. On peut la fiancer demain à un autre époux et s'il veut avoir le don des fiançailles, on le traitera de la même façon. » Un Yun qui leur était dévoué lui avait dit que la reine leur préparait de mortelles embûches. Quand les fidèles de Blöde le virent étendu mort, ils ne voulurent point épargner plus longtemps les étrangers. Avec une rage furieuse et l'épée levée, ils se jetèrent sur les serviteurs. Plus d'un s'en repentit bientôt. Dankwart cria à haute voix à tous les gens de la suite. « Vous voyez bien, noble Varlet, quel est le sort qui vous attend ?» Ainsi donc, étrangers que nous sommes, défendons-nous bien. Certes, nous sommes en péril, quoique Kriemhild nous ait invités si gracieusement. Ceux qui n'avaient point d'épée prirent des bancs et soulevèrent de dessous les pieds maints longs escabeaux. Les Varlets burgondes ne voulaient point reculer. Les lourdes chaises bosselèrent maintes cuirasses. Ah, comme ces serviteurs, loin de leur patrie, se défendirent furieusement. Ils repoussèrent les gens armés hors du bâtiment. 500 d'entre ceux-ci ou même plus restèrent morts sur la place. Tous les gens de la suite étaient humides et rouges de sang. Cette terrible nouvelle fut racontée aux guerriers d'Etzel. C'était pour eux une amère douleur que Blöde et ses hommes avaient été tués et que c'était le frère de Hagen et les Varlets qui l'avaient fait. Avant que le roi s'en aperçût, les Yunen, animés par la haine, se réunirent au nombre de 2000 ou même plus. Ils allèrent aux Varlets, il devait en être ainsi, et de toute la suite n'en laissèrent pas échapper un seul. Les infidèles amenèrent une puissante armée devant ce bâtiment. Les serviteurs étrangers se défendirent bravement, mais à quoi bon leur valeureux effort? Ils devaient succomber. Peu de temps après, on en vint à une terrible catastrophe. Vous pouvez ouïr des merveilles d'un événement épouvantable. 9000 serviteurs étaient couchés à terre, massacrés, ainsi que 12 chevaliers hommes liges de Dankwart. On le vit tout seul résister encore aux ennemis. Le bruit s'apaisa, le fracas cessa. Dankwart, la bonne épée, regarda par-dessus son épaule et s'écria « Malheur, que d'amis j'ai perdu! Maintenant je dois tout seul, hélas, tenir tête à l'ennemi !» Les coups d'épée tombaient pressés sur son corps. Maintes femmes de héros pleura ce moment. Levant son bouclier, il en serra plus fort les courroies et fit ruisseler des flots de sang sur plus d'une cotte de maille. « Malheur à moi, quelle souffrance !» s'écria le fils d'Adrian. « Maintenant reculez, guerrier Yunen. Laissez-moi prendre de l'air, que le vent me rafraîchisse, car je suis fatigué du combat. » Et l'on vit le héros s'avancer bravement. Ainsi épuisé de la lutte, il s'élança hors de ce logis. Que d'épées résonnèrent sur son aume. Ceux qui n'avaient pas vu les merveilles faites par son bras bondirent à l'encontre du guerrier du pays burgonde. « Dieu veuille, dit Dankwart, que je puisse avoir un messager pour faire savoir à mon frère Hagen en quelle extrémité me réduisent ses assaillants. Il me délivrerait d'eux ou ils tomberaient tués à mes côtés. » Les Yonen répondirent, « Tu seras toi le messager, quand nous te porterons mort devant ton frère. Alors l'homme lige de Gunther connaîtra enfin la douleur. Tu as causé ici tant de maux, roi Etzel. » Il reprit, « Cessez vos menaces et éloignez-vous de moi, ou j'inonderai encore de sang la cuirasse de plus d'un d'entre vous. J'irai raconter moi-même la nouvelle à la cour, et je me plaindrai à mon seigneur de vos furieuses attaques. » Il se défendit si vigoureusement contre les hommes d'Etzel qu'ils n'osèrent plus l'attaquer avec l'épée. Ils lancèrent leurs piques dans son bouclier, qui en devint si lourd qu'il dut le laisser tomber de son bras. Ils crurent bien le vaincre, maintenant qu'il ne portait plus son bouclier. Mais que de profondes blessures il leur fit à travers leur aume. Maint homme hardi tomba devant lui. L'audacieux Dankwart en acquit beaucoup de gloire. Des deux côtés, ils s'élancèrent sur lui, mais plus d'un s'était avancé trop vite au combat. Il courut devant ses ennemis, comme devant les chiens fuit le sanglier dans la forêt. Pouvait-il se montrer plus brave ? Il marqua sa route en la rendant humide du sang qu'il versait. Un seul guerrier a-t-il jamais combattu ses ennemis mieux qu'il ne le fit ? On vit le frère de Hagen se diriger fièrement vers la cour. Sommeliers et échansons, entendant le retentissement des épées, laissèrent tomber de leurs mains le vin et les mets qu'ils apportaient aux convives. Il rencontra devant les degrés maint ennemi vigoureux. « Comment donc, sommelier ? » dit le héros fatigué. « Songez à servir convenablement vos hôtes, apportez de bons mets à ces seigneurs et laissez-moi donner des nouvelles à mes maîtres chéris. » Parmi ceux qui, confiant en leur force, s'avancèrent devant les marches, il en frappa quelques-uns de si lourds coups d'épée que tous, par crainte, remontèrent les degrés. Sa force puissante avait accompli de grands prodiges.